Bonjour et merci d'être toujours fidèle à l'histoire en vidéo. Alors cette fois-ci, il va falloir s'accrocher parce que il se passe énormément de choses et si on perd le fil des événements, on risque de ne pas arriver à suivre exactement qu'est-ce qui s'est passé. Alors, donc nous sommes arrivés à la mort de Clovis II en 657. Il laisse Berthilde occuper la régence. Et Archambault, qui meurt en 658, remplacé par son fils Landésus, qui lui-même est écarté de la mairie du palais par le fameux Ébroin, un noble franc particulièrement anti-austrasien. L'idée, c'est d'assurer l'hégémonie de la Neustrie sur l'Austrasie. Et pourquoi? Parce que justement, les nobles francs, qui ont désigné d'ailleurs cet Ébroin, peut-être un peu contre la volonté royale, eh bien, veulent une politique résolument pro-neustrienne et anti-austrasienne, parce qu'ils se méfient de cette Austrasie, tenue en main par les fameux Pépinides, et qui en effet, sont de plus en plus menaçants. Alors, en Austrasie, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a la famille des Pépinides qui quadrille en effet l'Austrasie. Elle a de nombreux alliés en Neustrie et en Burgondie. Elle dispose de l'armée royale, puisqu'elle occupe la mairie du palais, et elle étend son domaine d'influence à l'est, au-delà du Rhin, en territoire alamand et saxon. Le clan a installé sa capitale à Cologne, d'où il entreprend, en communion de pensée avec l'archevêque de la ville, une entreprise de conversion des populations orientales. Avec ces populations, en grande partie encore païennes, le clan entretient des relations ambiguës, faites d'une succession de guerres et de paix. Elle y recrute des mercenaires qui viennent grossir les rangs de son armée privée. Leurs adversaires, comme les Neustriens, ne cessent de dénoncer aux représentants de l'Église cette trop grande proximité avec des peuples païens. Mais l'Église de Rome ne l'entend pas de cette oreille. Les Pépinides placent leurs hommes, placent les membres de leur famille dans tous les couvents et les monastères possibles, dans les diocèses. Beaucoup d'entre eux ont rejoint les rangs de l'Église et sont des gens tout à fait remarquables. Et les Pépinides entretiennent aussi des relations personnelles avec le pape de Rome. Les relations d'ailleurs sont excellentes. Donc, sur le plan religieux, les Pépinides sont inattaquables. Et sur le plan territorial, ils quadrillent déjà le territoire. Ils ont en plus une forte armée privée. Alors, face à ça, Ébroin, comme un chien de chasse qui a trop longtemps rongé son frein, se lance à l'assaut de la citadelle Pépinide. Sa première victime, c'est Childebert III, dit l'adopté. Ce fils de Sigebert III que d'aucuns attribuent à Grimoald. Childebert est assassiné en 662. Ébroin obtient des grands du royaume d'Austrasie de placer sur le trône Childéric, le second fils de Clovis II. Il fait élire à l'unanimité le maire du palais, Wulfoald, pour le seconder. Wulfoald est un noble alsacien, donc un austrasien, mais favorable aux intérêts neustriens. À cette date, donc, il y a Clotaire III, le fils aîné de Clovis II, qui est roi de Neustrie et de Bourgogne, et Childéric II, qui est roi d'Austrasie. Par contre, Thierry, qui deviendra roi sous le nom de Thierry III, est trop jeune pour régner. Mais quand Clotaire III meurt en 673, Ébroin décide de placer sur le trône de Neustrie et de Bourgogne le jeune Thierry. Suivant ses conseillers austrasiens, dont l'évêque d'Autun Léger, évêque d'une ville bourguignonne, mais Léger lui fait partie d'un clan austrasien, eh bien Childéric se dirige avec toute son armée à Paris pour réclamer les droits à la couronne de Neustrie et de Bourgogne, en plus de l'Austrasie. Il semble que l'on passe à une nouvelle règle de succession, avec d'ailleurs un droit de primogéniture exorbitant au profit de l'aîné, et qui va marquer les lois successorales jusqu'à la fin de la monarchie en 1830. Donc, avec son armée austrasienne, Childéric s'avance vers Paris. C'est une armée bien encadrée, richement équipée, et grossie de nombreux régiments thuringiens, bavarois, saxons, frisons et angles. L'annexion donc de la Neustrie de la Bourgogne est bientôt totale. Childéric compte régner à Paris, où il s'installe. Thierry III est déposé, Ébroin est capturé et envoyé méditer dans l'austère abbaye de Luxeuil, fondée par le non moins austère Saint Colomban. Mais Childéric est un jeune roi impétueux et qui a du mal à se contrôler, colérique. Et il se met à dos rapidement les grands du royaume d'Austrasie et de Bourgogne. La fustigation de Bodilon, un noble bourguignon, lors d'une scène particulièrement humiliante, signe son arrêt de mort. Il est assassiné avec sa femme par les hommes de ce Bodilon. Donc il est assassiné avec sa femme Bilchide un soir dans une clairière de la forêt de Lognes où il était parti chasser. Les Austrasiens, armée, administration, partisans, bref, tous leurs alliés se carapatent et s'enfuient à Metz. Dans la précipitation et sur les conseils de Wulfoald, il décide de faire revenir d'Irlande Dagobert pour le hisser sur le trône d'Austrasie. Dagobert, nous savons, c'est le deuxième fils de Sigebert. Et il montera sur le trône d'Austrasie sous le nom de Dagobert II. Wulfoald se fait élire maire du palais assez rapidement et sans trop de problèmes. Et tout semble rentrer dans l'ordre. Mais Ébroin ne l'entend pas de cette oreille. Le voici qui sort de Luxeuil, accompagné d'une forte escorte et d'un prétendant au trône d'Austrasie, un certain Clovis III, qui serait en réalité le fils de Clotaire III. Mais l'imposture est si grossière qu'Ébroin finit par laisser tomber sa créature, un faux mérovingien qui connaîtra donc la fin tragique qu'on réserve en général aux faux mérovingiens. Il sera jeté dans un fleuve pour être noyé. Ébroin se range alors à la position de Wulfoald. Il reconnaît Dagobert II comme roi d'Austrasie et met sur le trône de Neustrie et de Bourgogne Thierry III, dont il devient le maire du palais. Donc Ébroin renonce à briguer la mairie du palais d'Austrasie. De sources pro-neustriennes comme pro-austrasiennes, Ébroin semble avoir été connu pour sa cruauté. Considérant l'évêque d'Autun Léger comme complice de Childéric II, à qui il avait conseillé la guerre, il le soumet à la torture, lui fait crever les yeux et arracher la langue et les lèvres. Le pauvre homme est recueilli par l'abbaye aux femmes de Fécamp, où son rayonnement est tel qu'il attire à lui de nombreuses personnes, dont des opposants résolus à la politique d'Ébroin, en cause de quoi il finit par être assassiné discrètement à la lisière d'une forêt près de Lucheux, au lieu évocateur de Sus-Saint-Léger, le 2 octobre 679. Ébroin convoque peu de temps après un synode pour proclamer la condamnation mémoriée de Léger. Condamnation qui sera rapidement cassée par un autre synode convoqué par les Pépinides. Mais tout se passe bien jusqu'à ce que, la même année, Dagobert II se fasse assassiner. Et à ce moment-là, tout change. Mais cela fera l'objet de notre prochain podcast. Merci d'être attentif et à bientôt.